بسم الله الرحمن الرحيم الدعوة السلفية باليمن à le plaisir de vous présenter ويل للمطففين malheureux fraudeurs يا مسكين conférence donnée en direct de InSpeak par Abu Yusuf Abdallah Al-Aji يا مسكين tu es resté au sein du CEP بمعصيات الله سبحانه وتعالى par la désobéissance d'Allah عز وجل يا مسكين jusqu'où tu es prêt à aller pour préserver ta renommée يا مسكين prends conscience de la responsabilité qui pèse sur tes épaules t'es écouté يا مسكين Les gens prennent de toi. Les gens s'identifient peut-être à ce que tu dis. Vous qui avez été un exemple de droiture pour nous. Et toi tu joues avec la religion. Tu joues avec la raison. Tu passes en science qui fait précéder ta renommée. Jusqu'au point à comparer ta sortie minable à l'honorable exclusion du prophète sallam lorsqu'il est sorti de Mecca. Et taqallaha, ya miskin. Récitation faite suite à l'exclusion du déchu du CEP. On demande à Allah qu'elle soit un profit pour l'islam et les musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, Inch'Allah, pour répondre à certains appels et à certaines demandes qui nous sont parvenues, comme c'est le cas de notre frère de mérite et autres, la Kinafsoud Bidik, Khoussoussan, Abu Aisha, Abdel Malik, Al-Zayri, Hadamahullah Ta'ala. Et ça, c'est Yanni Minhous Nirvan Nihibina, qui a réponse Yanni Libyen de nous. Il nous a été demandé, Inch'Allah, de faire un petit éclaircissement. D'annoter les points qui ont été évoqués dans la Karima du dénommé Abu Talha Ibrahim le Malien, l'exclu, le déchu du CEP qui s'est fait virer il y a pas longtemps. فَنَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مُسْتَعِينًا بِهِ مُتَوَكِّلًا عَلَيْهِ وَنَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى التَّوْفِيقَ وَالسَّدَادَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اعلموا وفقني الله وإياكم أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc inshallah comme prévu on va procéder inshallah à certains éclaircissements quant à l'audio d'Ibrahim dans lequel ce dernier yani, se justifie et argumente et s'efforce dans cela yani, d'argumenter son exclusion du CEP, le centre d'études du palmier à Jamriya Hadhihi al-Hizbiyya al-Ma'rufa al-Mughallafa. Cette exclusion, elle est plus juste d'être qualifiée puisque lui il la qualifie d'être une exclusion. Comme prévu, je vais exposer la vérité quant à ma sortie du CEP. Kalimat yani jamila. Mais c'est-à-dire, exclusion qui est plus juste d'être qualifié comme s'étant fait virer comme un malpropre du CEP. Et la paraphrase, c'est quoi? Tu es viré. Yuqal Ibrahim, tu t'es fait virer comme un malpropre du CEP. Car le terme que je veux utiliser, ou bien que j'utilise, c'est fait virer, c'est pas dans le but, dans un but dérisoire de me moquer de lui ou bien que je me réjouis de son égarement, ou je me réjouis qu'il soit éviré, mais afin que les auditeurs, waffaqahumullah, et les autres, y ressentent à travers ce terme, tamam, que cette personne-là, elle n'est pas sortie la tête haute comme il s'efforce de nous le faire comprendre dans sa kalima d'une heure vingt. Ibrahim, c'est quelqu'un qui est ma'ruf indana. Il est venu au Yémen en 2006, ou fin 2006, pour une durée de 2 ans. Ou un peu moins. C'est quelqu'un, yani, qui récolte et qui aime bien se faire virer. Qui aime bien se faire virer. Car comme ce fut le cas, yani, au centre d'études d'Ad-Dammaj, en 2008 ou en 2009, Kazalika, il s'est fait virer. Il s'est fait virer, Kazalika, comme un malpropre. Histoire qui se répète, l'Yom, avec le CEP. Yani, il n'y a rien de nouveau à cela. C'est juste une histoire qui se répète. Est-ce que cette conduite, qui est une conduite qui lui est familière, qui lui est coutumière depuis les années du collège, est-ce qu'il l'aime bien? c'était déjà un élément perturbateur, un qui se fait virer, un depuis les années scolaires. Wallahu a'lam, fas'alou ahl al-bobini. À la coude, les hasses qui est sûr, c'est que Ibrahim, il pratique une confession par laquelle il sera amené, et sera amené à être viré et reviré si jamais il la délaisse pas. Cette confession qui est, telle comme le qa'ida al-khalafiyya, la natruka al-shakhs hatta yatrukana. Je ne délaisse pas la personne jusqu'à ce que ce soit lui qui me délaisse. Ah, le qa'ida, qa'ida tu yani min ashab al-hizbiyya. En 2009, pourquoi cette personne-là s'était virée de Dammaj? Parce qu'il s'est mis à vouloir tourner autour de certains étudiants, ceux qui étaient un peu naïfs, qui viennent d'arriver de France, avec des bagages qui sont tout frais. Tamam. Ils ne sont pas prémunis, ils n'ont pas la science qui fait qu'ils les préservent des choubrettes. Il s'est mis à tourner autour de ces personnes-là, à vouloir chambouler l'esprit de certains, à nivel batil, par des choubrettes, par des actes qui sont abolis, foulain, il a fait kada, alors qu'il a toubi l'Allah, il s'est repenti de ces choses-là. Cheikh Yahya, il a des erreurs dans l'aqidah. Cheikh Fouzan, il yuhadhar minhum. Ya mughaffal. Yani Cheikh Fouzan, à savoir que la personne qui vise par Cheikh Fouzan, ce n'est pas Salih al-Fouzan. Salih al-Fouzan, le Jabal al-Rasikh. Il vise, yani, هذا المعوج, Abdullah al-Fouzan, من الشبهات. Il chamboule les gens. Il n'est pas content, il n'aime pas le maquin? Non, je ne veux pas être tout seul, je chamboule les gens. Il disait qu'à Dalek, ça, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Histoire que vous fassiez une petite idée du client, du CEP. Il disait, j'aime pas le style yémin, hakada, al-stabil al-umum. Sa mère touche min udhuni. Il l'a entendu de mes propres oreilles, de sa propre bouche. Parce qu'il a voulu aussi tourner autour de moi pour me chambouler l'esprit. Lakin bihamdillah, Allah subhanahu wa ta'ala hafidhani. Hakada, moi j'aime pas le style yéminite. Style yéminite, ayyuh al-jahil, ayyuh al-mughaffal, c'est l'iman, c'est le fiqh. C'est الحكمة c'est لين القلوب ورقتها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال والحديث متفق عليه الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية وقال أتاكم أهل اليمان هم أرق أفئدة وألين قلوبا هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وهذا يذكر تفسيرك لفه جنبست اليمنيت هكذا على سبيل العلوم العموم. Ne dis pas, j'aime pas le style yéménite, mais dis, j'aime pas le style de Fulan. Hakada taqul. Amma ala sabil al-umum, ma yadouzou. Après que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont zaki ce balad, ils ont zaki les gens de ce balad, ils ont honoré, toi tu viens et tu dis, j'aime pas le style yéménite, ma nan taïa. Ahlul Yémen, ansaruddin, ala mamar al-zaman, ila qiyam sa'a, an imam Ahmad, rahimahullahu ta'ala, min haditha bi sa'id al-khudri, radiyallahu ta'ala anhu, annahu qal, قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهل اليمن هم خيار من في الأرض. دوش حديث تنتيك تنتيك يبار شيخ مقبل رحمه الله تعالى في جامع صحيح. دوش حديث تنتيك النبي صلى الله عليه وسلم nous informe que les gens du Yémen ce sont les meilleures personnes qui figurent sur la terre. Ce sont les meilleures personnes qui figurent sur la terre. Et هذا المغفل إذا j'aime pas ces Yéménites. لا ما يقال هذا Ma yuqal hakada. Ala kulli hal. Pour revenir à notre sujet, après que les frères ils ont mis la main sur Ibrahim, lorsqu'ils ont entendu que ce dernier il tourne autour des poulabs, il essaie de chambouler, leur mettre des choubouhades, yani l'akhiri, il l'a attrapé, ils ont dit pourquoi tu fais ça, Ibrahim? Pourquoi tu chamboules l'esprit des frères, qu'ils ont quitté père et mère, qu'ils ont quitté leurs frères, leurs sœurs, leurs ghali, leurs nafis, qui se sont, na'am, qui, ils ont ta'ab. Ils se sont fatigués, hein, pour vouloir, pour pouvoir étudier, ils ont quitté leur balad, il y avait le djihad, pour venir au Yémen, balad al-Iman, wal-Hikmah, wal-Fiqh, pour étudier. Et toi, au mérite de tous ces efforts-là, tu te permets de venir chambouler ces personnes-là, afin qu'ils retournent d'où ils sont venus. Afin qu'ils retournent dans l'état dont ils sont venus, c'est-à-dire avec l'ignorance. Ils ont dit, malakia, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, ces frères-là? Et c'est un certain frère, c'est pas tout le monde. Si jamais vraiment il aurait été nasir, conseiller, il parle à tous les frères. Il tabihou, Cheikh Yahya, il a des khata. Lakin, il va voir les esprits faibles et il essaie de les embarquer avec lui. Il répondit quand lorsque les frères lui ont dit ça, il dit, moi j'ai des preuves, c'est fondé, j'ai des arguments, j'ai kaza, il a khalihi, je mets pas des choubouhats, je suis pas en train de chambouler, je suis juste en train de mettre en garde, conseiller. Et donc, إن كنت صادقا تعال إن شاء الله نتحاكم عن أهل العلم. Viens Ibrahim, on va s'asseoir devant les gens de science et on va voir si on était vraiment véridique. On va voir si vraiment tu es véridique. Fermé, il a dit naam. Hatta wallah alam, je crois qu'il y a une fibre de l'Ahyan, il n'est pas venu. Lakin hada yani yahtaj ila ta'akkud. Amma al-ma'ruf, il est venu. L'ahl al-ilm, al-tullab al-ilm, al-kibar, ils ont donné de leur temps. Ils sont occupés à Damaj, ils n'ont pas le temps. Ils ont donné son temps à cette personne-là, ils se sont assis avec lui, ils ont dit, c'est quoi ton problème? Yani, de quelle manière tu te permets de t'exclamer yani, de cette sorte-là, de mettre en garde, de mettre des choubouettes, chambouler les gens? C'est quoi ton problème? Explique-nous. Il a dit, moi j'ai des trucs, mais je parle pas. Il a dit, comment? Il a dit, moi j'ai des trucs, mais je parle pas. Hakada barakallahu fikum. Comme les effets du tawhid, le courage. Mais sahib le tawhid, à l'image d'une montagne que ni le vent ni la tempête ne peut faire bouger. Lorsque quelqu'un te demande, il te demande juste d'expliquer, peut-être qu'il est dans l'erreur. Explique-moi, Barthofi. Je sais pas, je sais, mais je te dis pas. Ah, c'est le truc des gamins, ça. Il voit qu'un tel a des égarements, mais ne lui dit pas. Subhanallah, quelle fraternité avez-vous donc? Nous, on ne connaît pas cette fraternité. Si je t'aime pour Allah Azza wa Jal, lorsque tu t'égares, l'amour n'est pas de cacher cela et te laisser ainsi. Non. Je sais, mais je te dis pas. Est-ce ainsi que se comportent yani, les personnes qui prétendent yani, avoir la vérité? Est-ce ainsi que yani, n'am se résulte le courage, la bravoure du muwahhid comme il prétend? Comme les effets du tawhid, le courage. Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit fi kitabihi al-karim wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utu al-kitab latubayyinannahu lin-nas. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala prit l'engagement des gens du livre, vous devrez exposer la vérité et ne pas la dissimuler. Tu dis pas, je sais pas, je sais, mais je dis pas. Donc lorsqu'il faut exposer les choses, on les expose. Il voit qu'un tel a des égarements, mais ne lui dit pas. Subhanallah. Al-Kitab, ils ont refusé l'engagement. Ils l'ont jeté derrière leur dos et ils l'ont acheter un vil prix, ou ils l'ont vendu plutôt, cet engagement-là, un vil prix. Et ce fut le même cas pour le déchu, l'exclu du CEP, celui qui s'est déviré. Car même s'il n'a pas totalement rejeté cet engagement, qui est d'exposer la vérité lorsque tu l'as avec toi, il l'a partiellement rejeté. Je sais, mais je te dis pas. Je sais, mais je te dis pas. Donc lorsqu'il faut exposer les choses, on les expose. Naam, il a partiellement rejeté cet engagement en dissimulant la vérité qu'il prétendait avoir. Moi je sais, mais je dis pas. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, il nous dit au sujet du verset qui a été précédemment cité, celui, la personne qui a vécu la vérité, il doit l'exposer surtout lorsqu'elle lui est demandée. Tamam. Si t'as la vérité, tu l'exposes. Et si on te demande de l'exposer, c'est muta'akkad alayka an tubayyana. Ça devient, il y en a beaucoup plus, na'am, tu es beaucoup plus impliqué à exposer la vérité si la personne vient te demander. Parce que peut-être qu'il veut se... Il veut se conformer. Donc pourquoi tu dis, je sais, mais je parle pas. C'est que t'as rien. C'est que t'as rien. Certes, le musulman, il peut être amené à faire part dans certains moments de faiblesse. Lorsqu'il voit le blâmable, il est en face de lui. Le blâmable, le munkar, il se présente en face de lui. Et il n'a pas la courroie, il n'a pas la force, il n'a pas le courage, il n'a pas cette chose qui va le pousser à faire qu'il va de l'avant pour réfuter ou bien pour modifier ses blâmables. Ça peut arriver. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه رواه ترمذي بن ماجه وصححه الإمام الألباني والحديث معروف مشكور النبي صلى الله عليه وسلم حديث authentifié par l'imam الألباني رحمة الله عليه c'est un hadith qui est bien connu. Il nous dit que la crainte d'une personne n'empêche pas l'autre de prononcer la vérité à partir du moment qu'il la connaît. Je sais, mais je ne te dis pas. Là, me regarde. Abu Sa'id, radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a entendu cela, فَبَكَى وَقَالَ وَاللَّهِ رَأَيْنَا أَشْيَا فَهِبْنَا. Abu Sa'id, lorsqu'il a entendu ce hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se mit à pleurer. Il a dit, Wallah, j'ai vu des choses et je me suis tué par crainte. Je me suis tué par crainte, ça peut arriver. T'as pas la force dans certains moments. Mais celui qui prétend avoir la vérité, il s'exclame haut et fort. Moi je sais. Moi j'ai la vérité. Il met en garde des chamboules. J'ai rien à dire. Rapa, wakada, wakada. Puis lorsqu'on lui demande des explications, lorsqu'on lui demande des détails, lorsqu'on lui demande d'exposer ce qu'il a entre les mains, Il te répond, je ne sais pas, mais je ne dis pas. Je sais, mais je ne dis pas. Ça, c'est une conduite de lâche. Ça, c'est la conduite des peureux, la conduite des traîtres. Et Jabir ibn Abdullah, radiallahu ta'ala anhu, قال بايعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النصح لكل مسلم متفق عليه. جرير ابن عبد الله ce véritable conseiller nous dit j'ai prêté une allégeance au prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم de conseiller tout musulman. Est-ce que ces personnes aux yeux de ce déchu n'étaient pas musulmans jusqu'au point il n'est pas parti pour les conseiller? T'as la vérité bayin malak dabdab. Celui qui a le haq, si jamais toi tu as le haq avec toi, pourquoi tu te replies? Si tu as le haq avec toi, pourquoi tu ne parles pas? Si tu as le haq avec toi, pourquoi tu dis je sais, mais je ne parle pas? Sahib al-haq, lorsqu'il s'engage, lorsqu'il dit le haq est avec moi, il conclut. Il va de l'avant et il ne retourne pas. On va voir le sabil al-mithal. Nabiyina Hud, alayhi salatu salam, lorsque son peuple lui a dit إِنَّ عَتَرَاكَ بَعْدُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ. Naam, ils ont dit, tu es venu avec aucune preuve, Yahoud. Tu dis là sur nos divinités, des absurdités. Nos divinités t'ont infligé à cause des balivernes et du blasphème que tu fais sur nos divinités, ils t'ont atteint en mal. C'est pour ça que tu dis n'importe quoi sur nos divinités. فَقَالَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِنِّي اِفْتَأْذُنَيْكَ جَبَّانَ هَكَذَا النُّصَحَةَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون هكذا. Je prends Allah subhanahu wa ta'ala en témoin. Et vous aussi, je vous prends كذلك en témoin. Je me désavoue de ce que vous associez. Brousez, faites tout ce que vous voulez contre moi et surtout ne me donnez pas un temps de répit. Pourquoi? Il n'a pas peur parce que le haq est avec lui. Même s'il a en face de lui le mala. Même si là en face de lui est dunya kullaha, le haq ma'ak, anta yani ma tatazazza. Le haq est avec toi. Si tu as le haq avec toi, Allah subhanahu wa ta'ala sayansuruk. Allah subhanahu wa ta'ala sayansuruk. Inna la nansur rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad. Regarde le véritable courage des mouahides, non pas comme celui du CEP, yani le déchu du CEP comme il prétend. Jamais il se replie en arrière. Pourquoi? Parce que la vérité elle est avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il va se secourir. Allah kulli hal, on va passer cette année sur le courage de ce peureux. Les ulama, lorsqu'ils ont entendu ça, ils ont dit, et les ulama, ils ont vu que c'était une conduite déplorable. Je sais, mais je te dis pas. Ils ont dit, ya Ibrahim, al-mashkhul la yishkhal. Nous on est des tullab. Nous on est des savants. Tamam? On a des recherches. On a des cours. On a une famille, on n'a pas que ça à faire, on donne de temps en temps et tu viens pour nourrir René, je sais, mais je te dis pas, ou je me cache. Non, tu n'as pas que ça à faire. Tu veux parler ou tu veux pas parler? Non, je sais, mais je parle pas. Il en dit, écoute, prends tes bagages, au barra. Allez, pars. L'atmosphère, il te plaît pas? Le style yéménite, comme tu le prétends, il te plaît pas? Chérie, il a des erreurs? La aqida, il a khidi, elle est malgré tout cela, tu restes? Pourquoi tu restes? Pourquoi tu restes? L'endroit ne te plaît pas. Tu n'arrives pas à modifier cet endroit-là, tu n'arrives pas à pouvoir changer ce qui se passe dans cet endroit-là. Prends tes bagages et pars. Prends tes bagages et pars. Quitte à condamner à rester là. Parce que tu n'es pas à l'abri d'être contaminé. Si jamais sahib al-kursi, celui qui est sur la chaise, celui qui est sur le minbar, celui qui dirige le centre, tamam, il est à la aqida, mu'awwaja. Kadalika les profs qui sont là, qui s'étaient thabit dans la fitna de l'adam. Par exemple, je cite comme exemple, il y a Fath al-Qadis avec qui il a étudié, qui dit qu'il ne va pas te mettre une choubouhat. Tu viens d'arriver, tu as 2 ans, t'es tout frère. Qui dit qu'il ne va pas te mettre une disquette qui est bien dure. Et jamais va sortir de ta tête. Pourquoi tu restes? Sahib al-Aqida, Sahib al-Kursi, il est dans le bâtiment. Pars. Pourquoi tu restes? Pars. Lakin, Marie Ibrahim, c'est pas Hakim. Moi, je connais un petit peu. De France et au Yémen. Lui, quand tu penches le regard sur sa manière, sur sa méthodologie, sa manière de faire, tu vois que yani, c'est cette qa'ida khalafiyya al-mubtada'a qui fait que yatakhabbat, il se fait virer comme un malpropre. Qa'ida la natruka shakhs hatta yatrukana. Je ne m'écarte pas d'une personne, qu'à exception si jamais cette personne-là elle s'écarte de moi. On va ramener l'adil, c'est une qa'ida yani, batil. Même s'il n'a dit pas de salam, ses membres, ils le disent, et ça suffit. Cette règle lui a coûté de se faire virer, Naam, Tamam, de Dammaj, en 2008 ou 2009. 2008 parce qu'il est rentré au CPE en 2009. Naam, donc 2008, fin 2008, parce qu'il est resté deux ans. Histoire qui se répète en 2014 avec le CEP, Centre Hizbi Jam'iyya. C'est un centre qui est par la Sabil al-Rashad. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ajoute, ainsi qu'à vous, de la clairvoyance dans notre minhaj et dans notre din, qu'il fait partie du wala, wal-bara, al-haqiqi, al-sadiq, le désavouement et l'alliance véridique pour Allah subhanahu wa ta'ala, de détester pour Allah azza wa jal, de se désavouer pour Allah subhanahu wa ta'ala, de dénigrer, de dénoncer, de mettre en garde, de s'écarter des erreurs des gens et de s'écarter des gens à qui auxquels le rappel n'est pas profitable. Tout cela, ça fait partie d'Al-Bara. Ce qu'on va le voir, Al-Bara inda Ibrahim, il est maqsour, il est limité. Je dénonce, je parle, mais quand il s'agit de s'écarter de ces gens-là, la ma astati'a. Limada la atruka ash-shakhs hatta yatrukana. Jabban, il n'a pas le courage, la capacité de pouvoir délaisser pour le visage d'Allah azza wa jalla. La conduite qui revenait à cet exclu du CEP, la conduite qui lui revenait d'observer, c'est de s'écarter de ces personnes que lui-même il a qualifié comme ayant une fausse fraternité. Tout ça, c'est dans les audios. Hein. Subhanallah, quelle fraternité avez-vous donc? Nous, on ne connaît pas cette fraternité. Toi, tu vas à droite, lui, il va à gauche, lui, il va derrière. C'est une fausse union. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Tu les croiras unis, mais leurs cœurs sont divisés. Et c'est le cas pour le CEP. Ils n'écoutent pas le conseil. Ils aggravent leur situation lorsque tu les conseilles. Donc, après lui avoir parlé plusieurs fois, que ce soit en face, que ce soit à l'extérieur du CEP, que ce soit à l'intérieur du CEP, ou que ce soit par téléphone, il s'est corrigé par moment. Puis il est reparti dans ses agissements. Au bout d'un certain temps, lorsqu'il a aggravé son cas par des mauvaises paroles, par des mauvaises actions, par des mauvaises fréquentations, en invitant au CEP des gens qui ont nui à la da'wa, les choses se sont donc détériorées de plus en plus. Ils ont des égarements évidents. Chacun y voit et ni selon y voit. Chacun y suit ses passions. Je vois que certains attaquent les salafis, d'autres défendent les ikhwan, d'autres échangent des messages avec des ennemis de la sunna, etc. Et tout ça promotionné par le CEP. Ils nuisent la da'wa à l'intérieur comme l'ont fait les hypocrites. Leur danger est plus grave pour la communauté car ils détruisent de l'intérieur, à l'image des gens des passions. Là j'en passe. On entre mais on ne sait pas, on ne sait plus où aller, tellement les fautes se sont cumulées. Ibrahim, il a jugé que le minhaj du Coran, face aux personnes qui sont qualifiées de la sorte, un des qualificatifs que je viens de citer, c'est de les conseiller, comme je vous l'ai dit, les dénoncer, tout en oubliant le fondement qui est principal du minhaj, du Qur'an, comme il prétend le connaître, qui est de s'écarter de ceux qui ne prennent pas ton conseil. De s'écarter des gens qu'il a qualifiés de lui-même, yani, qui ont du tala'ub fi din. Est-ce qu'on joue avec la religion d'Allah Azza wa Jal? Qui joue avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahu jalla wa ala yaqul فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. Écarte-toi, ça c'est un ordre d'Allah Azza wa Jal. Écarte-toi de celui qui se détourne de notre appel, celui que tu conseilles et qui fait, ou d'apparence il écoute le conseil mais il ne prend pas le conseil. Il s'écarte du conseil d'Allah Azza wa Jal. Comme Kama qala fil ayah. Écarte-toi de celui qui se détourne de notre appel et qui ne recherche qu'à travers cela annule les bienfaits de la vie d'ici-bas. Wa qala jalla wa ala wa man yushaqiq ar-rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla. Et quiconque fait scission d'avec le prophète, le messager, après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné. Nous les laisserons comme il s'est détourné. Tel est le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est décrété à toute personne s'étant écarté du conseil après que la vérité, après que le conseil lui soit parvenu. Tu dois faire quoi? Tu le délaisses. Et maqala Allah subhanahu wa ta'ala. Écarte-toi. Il n'y a pas dit tu restes avec lui. Ou tu mets un pied, tu sors un pied. Je délaisse des conférences, mais je fais les douloureux. À partir de ce moment, j'ai coupé les ponts partiellement. Je ne ferai plus aucune conférence dans le CE, mais je ne serai qu'un simple enseignant. قال الإمام السعد رحمه الله تعالى يشبك لا لا الآية ومن يشقق الرسول تلقى الرتبه الكتاب الله عز وجل pour ce genre de personnes, yani ceux qui se détournent de la vérité après que le conseil lui a été exposé. D'apparence il prend, mais en vérité ça s'aggrave sa situation, comme c'est le cas de son ami Jérémie Amir. Allah subhanahu wa ta'ala كما قال الإمام السعد et le livre à lui-même. Dans son égarement, la personne qui n'écoute pas le conseil, hein, qui se détourne du conseil, Allah subhanahu wa ta'ala yuwallihi ma tawalla, c'est-à-dire il le livre à lui-même, dans son égarement. Il le désoriente. Et lui rajoute de l'égarement au-dessus de son égarement. Comme c'est le cas de son copain, Jérémie Amir, à qui il a qualifié de personne qui d'apparence prend le conseil, et sa situation ne fait que s'aggraver. Ça, c'est un dalil, une alama wadaha. Que cette personne-là, il devait la délaisser. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَنْ يُشَقِقَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. Yani, par rapport à l'explication du Cheikh Al-Sa'di, il avait là pour Ibrahim une alama, un signe évident que cette personne-là, il devait, par le décret d'Allah Azza wa Jalla, s'écarter de lui. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui se détourne du rappel et qui fait que d'ajouter une nuisance au-dessus de sa nuisance. Il s'écarte dans l'égarement et jour après jour. Pourquoi tu restes encore avec lui? Pourquoi tu restes encore avec lui? Celui qui se détourne, écarte-toi de lui. La partie, tu restes encore avec lui. Tu te fourres avec lui. Tu le colobotes comme t'as fait. N'est-il pas là, à travers ce verset, un signe évident et un rappel suffisant, exhortant à cette personne-là, Yanni, qui quitte cette association et ses membres? Car le caractère ainsi, Yanni, du gérant, comme on l'a dit, il est conforme, tout à fait conforme à la description qui est évoquée dans l'explication de l'imam Sa'd. Celui qui est désorienté et dont son égarement de jour après jour, il s'amplifie. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, nuwallihi ma tawalla, c'est qui là? C'est Allah azza wa jal. Allah azza wa jal, les personnes qui se détournent du rappel après qui ont été conseillées, Allah subhanahu wa ta'ala le délaisse. Vers la passion vers laquelle lui s'est orienté. Nuwallihi ma tawalla. Si Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim, wa huwa arhamur rahimin, wa akramul akramin, il voit qu'il est plus juste que ces personnes-là, ils doivent être, yani, on doit de les abandonner, il appartient ni à toi ni à moi, ba'da dhalika, que tu te colles au pote de ces personnes-là. Parce qu'en rien, tu vas pouvoir changer la situation. Si Allah azza wa jal, il dit que tu dois le délaisser, c'est que cette personne-là, khalas. Tu peux rien faire pour lui. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait na'am légiféré, une voie par laquelle on peut, inshallah, rattraper cette personne. Mais à partir du moment qu'il a choisi pour lui de suivre ses passions, laisse-le. Comme toi tu le prétends, jour après jour, sa situation est aggravée. Khalli, khalas. Qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Innaka la tahdi man ahbabta. Hakada qala Allah subhanahu wa ta'ala, li nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas toi qui dis qui tu veux. Kadhalika huna. Celui qui s'écarte et suit ses passions, Il a choisi pour lui cela. T'es pas là pour. Pourquoi tu te colles au bas de ces gens-là? Khalas, sahib ma'asiyah. Sahib hawa. Khalli ala Allah azza wa jal. Oud'oula. Bas. Amma tu te colles à ces bas, ça c'est contraire au verset. Fa'a rid'a man tawalla. Nuwallihi ma tawalla. Hakada qala Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne me dit pas, un tel il m'a dit. Cheikh Wasiullah il m'a dit. Ou un tel m'a conseillé. Car tu savais, comme tu l'as dit dans l'audio, que cela pouvait te nuire, le fait que tu restes dans ce centre, tout en sachant que cette personne-là, le directeur de ce centre, il ne voulait pas chercher à s'améliorer. Toi-même, de ta propre bouche, tu l'as dit, j'ai peur que cela me nuit. J'ai peur que cela me nuit. Donc tu savais qu'il y avait une nuisance dans le fait de rester. Ça pouvait m'amener un mal de rester dans le centre. Puis j'ai étayé mes arguments. Ensuite, je lui ai dit que ça pouvait amener des choses, mais je le fais. Peut-être que des gens vont penser que je suis comme eux, vont parler sur moi, ça va me nuire à ma da'wa. Et je ne veux pas sacrifier ma da'wa pour eux. Dans le fait de rester, tu savais qu'il y avait une nuisance. Mais malgré cela, parce que yani, anta indaka la confession des mukharrab, des muzabdab. La natrok al-shakhs hatta yatrukna. Ensuite, je lui ai dit que ça pouvait amener des choses, mais je le fais. T'es quand même parti demander le conseil. Tu sais très bien qu'est-ce que tu dois faire. Prends tes bagages, prends ton, ta petite cartable de professeur et va dans une mosquée et appelle comme l'ont fait As-salaf as-salih fil masajid ahabbu al-balad ila Allah azza wa jalla. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث بغيره رواه مسلم. Les endroits les plus aimés auprès d'Allah, les masajid. Ud'u ila Allah azza wa jalla. Qui t'a dit que la da'wa elle est dans un palmier là? Malak. Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a évoqué dans le verset, il abandonne ceux qui s'entêtent et qui ne prennent pas le conseil. Wa nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam qal alhiqu al-fara'id bi ahliha. Affilez les prescriptions des lois religieuses à ceux qui le méritent. Wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yaqul wa 'arif al-ashba wa al-amthal thumma qis al-umur ba'daha bi ba'din. Connais les semblables et leurs pareils. Puis donne aux ressemblances le jugement de leurs semblables. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fa'arid 'amman tawalla. T'aimes toute personne qui s'est écartée du chemin, que ce soit Jérémie ou que ce soit Foulan ou que ce soit Amir, il rentre dans cette ayah. Donc, affile-lui le même jugement, comme Omar, Naam, t'as essayé de le faire, et comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam a essayé de le faire, affile-lui le jugement qui lui doit, qui lui revient à cette personne-là. Al-Hiqul Farad bi Ahliha. Tu savais, et tu l'as répété beaucoup de fois, que cela va te nuire, et qu'il était même préférable pour toi de partir. Peut-être que les gens vont penser que je suis comme eux, vont parler sur moi, ça va me nuire à ma da'wah. Et je ne veux pas sacrifier ma da'wah pour eux. Et malgré cela, tu as préféré délaisser la certitude, c'est-à-dire la science que tu avais que ça allait te nuire, et la vulnérabilité, c'est-à-dire, « تمسك بمثلها الآية وما تدعو إليها وما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. Nouvellihi matawalla. Et quiconque fait scission d'avec le prophète, le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné. Nous les laisserons comme il s'est détourné. Tel est le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est décrété à toute personne, s'étant écarté du conseil, après que la vérité, après que le conseil lui soit parvenu. Tu dois faire quoi? Tu le délaisses. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, fa'arid, écarte-toi. Il n'a pas dit que tu restes avec lui. Et malgré cela, tu as préféré délaisser la certitude, c'est-à-dire la science que tu avais que ça allait te nuire, pour le vulnérable. Ani bidhalika, que tu prennes la parole d'une personne, juste la parole de la personne, et tu délaisses la certitude. Là. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul, fas'alu ahla al-dhikri in kuntum la ta'lamun. Et toi, tu savais. Interrogez les gens de science si vous ignorez, si vous ignorez. L'imam al-Shawkani, rahimahullah ta'ala, au sujet de ce verset, il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit que les gens de science doivent être interrogés au sujet, barakallahu fikoum, des énoncés du kitab, de la sunna, et non au sujet des opinions de ses savants. Fas'alou ahl al-dhikr. Maqala, fas'alou ray ahl al-dhikr. Demandez l'opinion des gens du dhikr, les gens du rappel. Il a dit, demandez Ahl al-Dhikr. Il dit Ibn al-Hazm, si Allah subhanahu wa ta'ala il nous a demandé d'interroger les gens du dhikr, c'est pas pour les interroger sur leurs opinions, c'est pour que tu les interroges sur les preuves du kitab de la sunnah. Parce que dans la kitab de la sunnah, t'as l'ismah. Dans la parole d'un tel ou un tel, t'as pas l'ismah. Sa parole, ça peut être un batil, sa parole, ça peut être un haq. Kullu qawlin yu'khadha wa yurad illa n'am qawl sahib hadha al-qabr wa asharu ila qabr an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Toute parole peut être prise et rejetée, excepté celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Na'am. Donc le fait de suivre ou de délaisser la certitude pour une opinion dont tu ne sais même pas, ou un conseil, tu ne sais même pas où il va t'amener, et même plutôt tu sais là où il va t'amener. Ensuite je lui ai dit que ça pouvait amener des choses, mais je le fais. Peut-être que les gens vont penser que je suis comme eux, vont parler sur moi, ça va me nuire à ma da'wah. Et je ne veux pas sacrifier ma da'wah pour eux. Ça c'est pour eux, ça s'appelle celui avec, comme il dit l'imam Shawkani, rahimahullah ta'ala. Le suivi aveugle, il dit, c'est le suivi des opinions qui sont dépourvues de toute preuve. Comme c'est le cas. Conseil, pas de preuve avec. Reste, il y a Ibrahim, car tu es le héros, tu vas tout sauver. Eh, tu étais là, ça n'a rien changé, ça s'est aggravé. Pourquoi ça va changer après? Tu sais ce qui va se passer. Tu sais que toi, tu étais là, ça n'a rien changé. Pourquoi tu restes? Cheikh, il a dit, tu sais pas, t'es un mouton. Tu vois pas la situation comment ça se passe. Tu peux pas, Yanni, là, tu débarres le monde, mais tu vois pas. C'est pas le problème. Yanni, là, Ibrahim. Sur ce point-là, il a dit suivant. Puis Nas, l'imam Shawkani, rahimahullah ta'ala. Tout comme en classe, j'ai interdit aux gens de me suivre de manière aveugle ou de me suivre si j'ai une faute. Il a interrogé alors qu'il savait. Il a interrogé et délaissé la certitude pour un conseil dépourvu de preuves. Il a interrogé, mais ne pour sa simple opinion. Il a interrogé alors que cette personne a reçu Al-Abbas, wa nasallahu wa faqah, wa yahdiya, wa yusaddida. Il n'a pas de clairvoyance dans l'affaire des jam'iyya. Was'al ahlu makka, hum a'rafu bishahabiha, wa kadalik ahlu l'Inde. Demande aux frères des Indes, les gens qui sont bien connus auprès de nous, qui viennent de là, ils te diront. Ils vont t'indiquer, ils vont t'informer de ce qui se passe, de ce que Cheikh Wasiyad al-Abbas il fait lorsqu'il retourne, waffaqahullah, lorsqu'il retourne en Inde. Car lui, à plusieurs reprises, il est descendu, عند أهل الحديث. عند أهل الحديث, en Inde. Et كذلك, ils ont une filière en Angleterre. Et cette jam'iyya a n'est qu'une filière de l'association Ihya al-Turaf. Ihya al-Turaf, comme l'a dit, comme le témoignent les gens, les frères de Barakallahu fikoum de l'Hind, et كذلك, Cheikh Yahya, hafidhahullah ta'ala, l'a approuvé. C'est une hizbiyya, ma'aruf, c'est des gens qui sont égarés. Cette association est bien connue, hatta depuis l'époque de Cheikh Mokbel, depuis l'époque de Cheikh Ibn Baz. Cheikh Mokbel, rahimahullah ta'ala, fi tuhfat al-mujib, il nous dit, Cheikh Ibn Baz, as-saf kizaki, yani cette ihya al-turaf qui est la base, et ahlul hadith, la jam'iyya, l'association dans laquelle Cheikh Wasiyullah al-Abbas, waffaqahullah, il descend lorsqu'il va en Inde. Cette filière-là, et Naam, Ahl al-Hadith, est une filière d'une jam'iyya à laquelle Cheikh Ibn Baz a critiqué. Comme nous dit Cheikh Mokbel, il s'est désavoué de cette association. Cheikh Mokbel, rahimahullah ta'ala, قال إنها مجروحة فرقت بين الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. Nous dit Cheikh Mokbel que cette jam'iyya, qui est la base de Ahl al-Hadith dans laquelle Cheikh Wasiyullah descend, il nous dit cette association a été critiquée et elle a divisé le prédicateur. Fin de citation. فالمشاورة تكون لأهلها ليس لكل من جاء ولكل من يحسن به الظن وكما قيل فاقد الشيء لا يعطيه. Le fait que tu concertes ou bien le concertement, il doit être pris en charge par les gens, les véritables personnes. C'est pas n'importe qui. Et celui qui ne possède pas une chose, il ne pourra pas te la donner. Celui qui n'a pas la clairvoyance dans le jam'iyya, il ne va pas pouvoir te donner le conseil. Celui que tu retournes vers lui pour te dire est-ce que le CEP qui est ma'ruf, qui est une hizbiyya, qui est une jam'iyya, il ne va pas te dire sortir, il n'a pas de clairvoyance aslan shaykh waffaqahullah dans cette mas'ala-là. Donc déjà, aslan, cette personne-là, elle n'était pas apte, barakallahu fikoum, à ce que tu reviennes vers lui parce qu'il n'a pas de clairvoyance dans ce sujet-là. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul. Fas'alou ahlal dhikr, c'est ceux qui ont, les gens de science, ceux qui savent et qui connaissent, ou qui ont une science, qui ont un aperçu de ce que tu vas leur poser comme question. Ah, mais s'il ne sait pas comment, il va te donner la chose. Faqid shaylayati, celui qui n'a pas, il ne peut pas te donner. Celui qui n'a pas, il ne peut pas te donner. Naam. Et le CEP, c'est ma'ruf. Même si Cheikh, waffaqahullah, il lui a conseillé de rester, c'est une hizbiyya ma'ruf. Et il le sait, Ibrahim. Cheikh Abu Amr, qu'elle connaît très très bien, qui fait partie des Mudarris, qui fait partie des ulama, de Cheikh Mokbel, de Cheikh Yahya, Ibn Zaki, quelqu'un qui, Naam, qui est modeste, qui est ma'rouf, عندنا في دمج, lorsque les frères de Dammaj, ils ont cité les points qu'il y avait dans ce CEP, il a directement jugé que cette association, c'est une hizbiyya ma'rouf. Et ceux qui veulent revenir, on va pas s'étaler sur ça, ceux qui veulent revenir sur ce point-là, qui retourne à l'audio ou qui retourne sur le site dmajfr.com et tape CEP dans le mode recherche et Inch'Allah il va voir déjà les 7000 personnes qui l'ont dévancé quant au jugement du CEP. Même si Shir, comme on a dit, Wasiyullah al-Abbas, il t'a conseillé et il t'a dit ta présence va changer, ça va rien changer. Parce que toi tu l'as même su par toi-même que ça n'a rien changé. Tu les as conseillés, ça n'a fait que s'aggraver. Ils t'ont pas écouté. Donc pourquoi tu va lui poser la question et lui il te répond, même s'il te fait une éloge, naam. Pourquoi tu prends cet éloge-là pour faire comme si jamais les choses vont changer? Ça va changer, le mec il ne veut pas t'écouter. Le mec il est dans sa hawa. Innaka la tahdi man ahbabta ya Ibrahim. Fam hada. Donc comment as-tu pu te faire, naam, duper par cet éloge? alors que tu savais que ta présence n'avait et n'a rien changé et n'aurait, wallahu a'lam, jamais rien changé, même n'a rien changé parce que tu t'es fait virer comme un malpropre à la fin. Savez-vous, yani, quelle est la réponse de cela? Comme on a dit, la confession des froussards, celle yani, qui pratique depuis qu'il s'est fait virer de la majd, la natruka shakhs hatta yatrudana. On ne délaisse pas la personne jusqu'à ce que, la personne elle nous abandonne, elle nous vire comme ils ont fait. Quelle est la devise des froussards? La natruka shakhs hatta yatrudana. Ceux qui n'ont pas le cran de s'avancer et d'abandonner les gens pour Allah Azza wa Jal. Wa an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man taraka shay'an lillah awadahu Allah khayran min. Celui qui délaisse une chose pour Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner meilleur. Pourquoi t'as peur? Pourquoi t'as peur de délaisser ces gens-là? Allah va te donner meilleur bin nas kalam ya rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Al-hadith sahhahahu Sheikh al-Albani et Sheikh Muqbal afwan fi jami' sahih, authentifié par Sheikh Muqbal al-hadith. Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui remplacer une chose pour lui et quelque chose de mieux. Est-il resté pour un salaire de fin de mois, parce qu'il est professeur, c'est ma'rouf. Chaque personne qui veut rentrer au CPE, il faut qu'il paye. Ça c'est pas min da'wa al-anbiya. Al-anbiya ma kan yas'alu malan abadan. Ma kan yas'alu malan. Ça nous prouve encore, il y a l'égarement. Ou bien que cette association n'est pas fondée sur la lumière de la prophétie. Car la lumière de la prophétie, c'est d'appeler Allah Azza wa Jalla li wajhillah, subhanahu wa ta'ala, mahdan. Aucune chose rentre entre toi et ta nia. T'appelles pour Allah Azza wa Jalla. Qul la as'alukum alayhi ajran. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, amara Allah subhanahu wa ta'ala li nabiyyihi an yaqul. Allah subhanahu wa ta'ala, certes, ordonné. Et kadhalika l'anbiya kulluhum, li surat al-shu'ara. Ma minhum ahadun, illa huwa yaqul, la as'alukum alayhi ajran. Je vous demande pas de salaire. Quant au fait que je vous appelle il Allah Azza wa Jal. Donc ça se nous prouve une chose encore, qui appuie l'argument de ceux qui disent que un CEP n'est pas à la manhaj al-Nubuwa. Manhaj al-Nubuwa, c'est pas à Kaaba. La voie de la prophétie, c'est pas comme ça. Donc est-il resté pour une maslaha, na'am, mondaine ou quoi que ce soit? Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa yatawalla as-sara'ir. C'est Allah qui connaît mieux les intentions. Mais nous, la na'ama dhahar. En tout cas, il n'est pas resté pour l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de se détourner des gens qui délaisse le conseil après qu'il lui est parvenu. Allah subhanahu wa ta'ala, il interdit la hizbiyya. Wallahu jalla wa ala, il interdit kadhalika al-jam'iyya. Wallahu subhanahu wa ta'ala, il leur donne d'abandonner celui qui se détourne. Donc t'es pas resté le wajhillah. T'es pas resté selon le jugement d'Allah azza wa jal. Naam. Et l'imam al-Baghawi, on voit, ya Ibrahim, kefa kana salafuna salih. L'imam al-Baghawi, rahimahullahu ta'ala, nous dit, فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الهوى أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرى منه ويتركه حيا أو ميتا. يقول بابا il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de place pour le sentiment. C'est da'wa, c'est dîn Allah Azza wa Jal. Il nous dit l'imam al-Baghawi رحمه الله تعالى, celui qui voit une personne s'adonner à sa passion ou négliger des sunan, qu'il l'abandonne sur le champ, qu'il se désavoue de lui et le laisse qu'il soit mort ou vivant. Hakada, il n'y a pas de sentiment. T'es en train de... Parce que là, il a délaissé la vérité. Et la vérité, أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, aucun de vous aura la véritable foi tant que, نعم, je ne serai pas aimé auprès de lui. Il y en a plus que ses parents, son argent, et la khidir, le hadith, le ma'ruf. Hakada, il n'y a pas de sentiment. Celui qui délaisse la vérité, on délaisse. Celui qui dénigre la vérité, on dénigre. Celui qui néglige la vérité, on néglige. Naam. Hajjaz al-Yersan, il a l'Yersan. On lui fait comme il a fait. On lui rend la monnaie de la pièce. On délaisse comme il a délaissé la vérité. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, nuwallihi ma tawalla. Ta'alil amman tawalla. Hakada. Wa qala al-Shaykh al-Najm rahimahullahu ta'ala, man khalafa al-haq. وجب علينا أولا أن ننصحه ونبين له, فإن رجع وإلا فإنه يجب علينا أن نعتبره شاذا ونرفضه. هكذا يقول الشيخ نجم رحمه الله تعالى. Je fais exprès de pas citer les citations des gens de Damas, parce qu'il y a beaucoup de gens, yani, sans parler de vous, qui n'aiment pas de, yani, les gens de Damas. Amma Cheikh Najmi, là c'est le fait d'aller, parce que tu le prends. Il nous dit Cheikh Najmi رحمه الله تعالى, à celui qui dévie de la vérité, il nous revient en premier de le conseiller. Nous bayin là, parce qu'on veut le rahma pour lui. On veut qu'il revienne. C'est pas directement nous haddim. Wa kadhalika la nusahha wa la nuhaddim. On conseille, mais on n'apporte pas de jugement après. Là, on commence par le jugement, par le conseil. On lui expose la vérité. On veut de manière douce, inch'Allah, qu'il revienne, cette personne-là. Si après cela, cette personne-là, il revient, alhamdulillah. Si jamais ça ne fait que de rajouter de l'égarement à cette personne-là, et que cette personne-là ne prend pas en considération le conseil, on le considère comme individualiste ayant rejeté la vérité. Et nous le rejetons, on le rejette. C'est pas comme c'est le cas d'Ibrahim, on se colle à ses bottes. De la personne qui n'est pas apte à diriger, kadakada, et malgré dans les cas, mutamassik bijaibi, wallahu a'lam. Wa an Abdillah ibn Mughaffal, شوف كيف كانوا انه قال لقريب الله يخذفه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلف فأعاد يخذفه فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخف ثم تعود وتخذف والله لا أكلمك أبدا متفق عليه عن proche عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه s'amuser au lance-pierre, acheter des pierres avec un lance-pierre. Et dit, ne fais pas cela. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Puis, il se remit, il n'a pas écouté le conseil. Chauffe, comment on se comporte avec les gens qui n'écoutent pas le conseil. Puis, il se remet à le refaire. À jeter avec le lance-pierre alors qu'il l'a conseillé. Il a dit, fais pas ça. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit cela. Mais malgré cela, cette personne, son proche, et c'est pas Jérémie Amir, son proche de la famille, il a dit, refais pas ça. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, fais pas ça. Il se remet à jouer avec le lance-pierre. Il lui a dit, t'es en train de recommencer, alors que je t'ai dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit cela. Wallahi, jamais de la vie, je t'adresserai la parole. Plus jamais je t'adresserai la parole. Il n'est pas venu, c'est collé au bot. C'est rien. Ou je fais une conférence, mais je fais pas de conférence avec toi, je fais des cours avec toi. Là, tatrukuhu kulliyan. Tu le laisses de côté. Pourquoi? Parce qu'il a délaissé la vérité. Et la vérité, elle a habbu ilayna min abaina wa na'am wa ummahatina. À partir de ce moment, j'ai coupé les ponts partiellement. Je ne ferai plus aucune conférence dans le CEP. Je ne serai qu'un simple enseignant. Et Ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu, lorsque son fils Bilal lui dit, Wallahi, j'interdirai les femmes d'aller à la mosquée. Bilal ibn Abdullah ibn Omar, le fils de Ibn Omar, ibn Khattab, il lui dit, par Allah, azawajal, je vais interdire les femmes d'aller à la mosquée. Son fils qui dit ça, Ibn Omar. Il a dit comment? Il se met à l'insulter d'une manière que personne n'a entendu l'année auparavant. Et il lui dit, je te dis, Nabi sallam yaqul, kada wa kada, il leur autorise d'aller à la mosquée, toi tu me dis, il ne leur autorise pas. Rawah Muslim. Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, comme c'est moujoud, fi Riyad al-Salihin, le Sharh, Aqsuf, il dit ces textes-là, c'est de Athar. Il y a d'autres ayahs, kathira, c'est par al-Sabil al-Hasan, mais c'est al-Sabil. Sabil al-Mithal, je ne fais que citer des exemples, ce n'est pas limité qu'à ça. Mais ce n'est pas le but de ramener tout cela. Al-Qa'ida, celui qui veut, revient au livre des excellents livres de Zoural, comme les frères l'ont écrit, comme c'est le cas de Misbah al-Badam, l'Akhina al-Fadil, al-Sheikh Yusuf. Il dit, ces textes-là, Sheikh al-Uthaymin, te montrent la vénération qu'avaient les salafs pour le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ses deux compagnons, Abdallah ibn Mughaffal ibn Omar, les ont abandonnés. Il a abandonné son fils. C'est pas il a abandonné Jérémie. Il a abandonné son fils, celui qu'il a mis au monde. Il a abandonné parce qu'il a délaissé le al-Nasiha après que al-Nabi sallallahu alayhi après qu'il lui ait conseillé. Au Qadarik Abdallah Maghafal, il a laissé ça, celui qui est proche dans sa famille parce qu'il n'a pas écouté le conseil. Il ne sait pas qu'on a ses votes ou à sa poche comme tu le fais. Hakada kana as-salaf as-salih. Il nous dit, Cheikh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, c'est ainsi qu'il incombe à tout muslim de vénérer la sunna du prophète. Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, celui qui répond pas au conseil, celui qui dénigre la vérité, celui qui néglige la vérité, celui qui se détourne de la vérité, tu fais comme il a fait, tu détournes de lui, tu négliges, tu fais comme il a fait, parce que la vérité ahabbu ilayna min abaina wa ummahatina. Fa billah alayka Ibrahim, as-tu vénéré la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa kitabullah subhanahu wa ta'ala qui tout de t'exhorte à abandonner ceux qui s'entêtent dans l'obéissance? As-tu vénéré ces textes quant à Naam, à ta conduite minable de dire je délaisse partiellement lorsque j'ai vu qu'ils ne voulaient pas répondre ou c'est quoi le truc, lorsqu'ils ont voulu mettre mon nom avec un égaré sur la même affiche dans une conférence, j'ai pas voulu, ils ont quand même fait. Donc deux jours là, j'ai dit, bah voilà, je me mets plus avec eux dans la conférence, mais je fais des cours avec eux. C'est quoi ce là, c'était pas avec eux, khalas, quitte-les, définitivement. C'est quoi ce truc, un pied, un pied. C'est pas comme ça. Hada huwa ayn at-talaa'ub wa ayn at-talawun. Depuis quand il y a des salafis qui se comportaient de cette manière-là? Lorsqu'ils voyaient le faux, l'entêtement, la désobéissance, ils délaissaient partiellement les gens. Là, une kalima. C'est un sars, tu ne comprends pas. Là, au kalima, kanakam. On n'est pas dans le stade de la, comme tu dis, dans le stade de nasiha. Le stade de la nasiha, c'est pour la personne à laquelle, yani, tarjou, t'espères qu'il va revenir. Mais comme toi, tu l'as témoigné de ta propre personne, ton Jérémie, il ne voulait pas revenir. À chaque fois que tu le conseilles, ça s'aggrave la situation. Qu'est-ce que t'espères de lui? Quelle phase d'attente? C'est quoi ce truc-là? Ça n'existe pas, ça. Celui qui ne veut pas comprendre, ça lève à l'écho. La kasha anek, wali shah. La kilo, la kumdine, comment il y a dit? Qu'est-ce que tu as à faire et moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Wallah subhanahu wa ta'ala, yata wallah salihid. Je ne fais plus de conférence, mais je fais des cours. Ish hada tala'ub. Mas'ala, c'est haq ou batil. C'est pas haq batil. Soit tu es avec eux, soit tu n'es pas avec eux. D'où t'as pêché cette qa'ida? D'où t'as pêché cette conduite bancale? Un pied là et un pied dehors. Mudabbidhabina bayna dhalika. La ilaha ula, wa la ilaha ula. Hakala. Ça, c'est les munafiqun. Les munafiqun sont comme ça. Mudabbidhab désemparé. Il ne sait pas où il est. Un pied là. Je ne suis pas avec vous, je ne suis plus de conférence, mais je fais des cours. Inch'Allah. Il n'y a pas de ça. C'est soit je suis avec toi, soit je ne suis pas avec toi. Soit tu es sur le haq ou soit tu es sur le batil. Il n'y a pas entre les deux. Il n'y a pas de choses entre les deux. Haq ou batil. Ajoutez à cela qu'en plus, elle est du fait qu'il s'est fait du tort à lui-même en ayant cette confession qu'il pratique depuis l'époque d'Adamaj, je te délaisse pas jusqu'à ce que tu me mets un coup de pompe, que tu me vires. Naam. Il a fait kadalika du tort à ses élèves. Car le fait qu'il est resté, tout en sachant qu'il y avait certaines personnes qui avaient des bonnes pensées sur lui. Hatta certaines personnes, elles ont payé dans le centre là d'études pour pouvoir assister au cours d'Ibrahim, dans le CEP, dans cette école, dans cette Naam, dans cette Hezbiya, dans cette Jam'iyya, dans cette association que lui-même, il a qualifié les membres de cette association qui ne sont pas aptes, que c'est des personnes qui sont égarées, qu'il y a parmi eux des sociologues, comme c'est le cas d'Eric Younous, celui qui appelle les musulmans, à part en frère al-Bukhari, mais avec le kitab d'un Yahoudi, Allah Mubarak, Masha'Allah, haka l'Islam. Ceux qui viennent avec la barbe salafi, lakin, ad-dakhil ikhwani. Attention. Quand les ulama vous disent, yani, al-jami'a, ma tasluh, yani, en gros, les gens ils pensent qu'on veut leur dire, venez qu'à Damas. Là. Nous, c'est pas une histoire de pub où qui sait qui sera avec nous le plus. Là. Parce que cette université, comme vous pouvez le savoir, et comme on entend, yani, des gens, ils reviennent, ils font des séminaires, la hijra, c'est pas obligatoire, le mustahab. La hijra, kada wa kada, t'as droit d'enlever ton famille, tu peux mettre des pantalons, tu peux raser ta barbe. Et c'est où ça? D'où ils viennent? Ils apprennent ces choses-là. Les gens qui viennent se redire, ils viennent pour pervertir les gens. Les gens, ils attendent de ces personnes-là. La guidée, c'est la perversion qu'ils ont au-dessus de l'endroit où ils sont. Zulumat ba'duha fawqa ba'din. Le sang du palmier, comme lui-même, il a évoqué. Il y en a des personnes, il y en a qui, comme on l'a dit, sociologue, d'autres yani, qui dénigrent des savants, Allah Alam, il fait allusion à Abdel Hayy, mais il n'a pas le courage de citer son nom. Parce qu'on sait, nous on connaît Abdel Hayy. On connaît Abdel Hayy, lui, quand même, Kadalika connaît Abdel Hayy. Il sait très bien, s'il cite son nom, c'est un œil vers moi, direct. C'est pour ça qu'il ne cite pas. Il a cité tous les membres, la plupart des membres du CEP, excepté Abdel Hayy. Allah Alam, c'est Abdel Hayy qui fait allusion dans sa kalima, laquelle il ne cite pas. Vous savez maintenant pourquoi il n'a pas cité? Parce qu'il dit, yani, ça fait partie du livre du Coran. De dénonce, dis Abdelhaï, Kathalika. Abdelhaï, Sawar, Abdelhaï, Fayy, Lakhiri, dénonce. Il dénigre. Parce qu'il prend la position de Cheikh Yahya. Et pour lui, Yanni, il fait partie d'Ahl al-Bid'a, Yahanda. L'autre tarjou. Il fait partie d'Ahl al-Bid'a. Dénonce pas. Naqish, il peut pas. Il sait très bien. Après, il dit, il faut dénoncer, il faut kathakala. Là, c'est pas l'homme, c'était pas un homme. Mais t'achèves à celui qui veut se parer de la faveur qui lui est pas. Alors, subhanahu wa ta'ala, il va lui donner la parole du faux. Il y en a tes élèves. Lorsque toi tu es resté, est-ce que tu leur as donné une garantie, les préservant de ne pas être chamboulés par les professeurs alors que toi tu prétends être soucieux de tes élèves. Lorsque toi tu restes dans le centre du CEP, les gens ils viennent pour assister à tes cours de Aqida. Il y a d'autres cours, il y a d'autres professeurs, il y a des sociologues comme toi tu l'as dit. Il y a des gens qui, comme c'est le cas de Hakim, qui disent « Al-Muslim, sunni. Tout muslim, c'est un sunni. Al-Maliki, al-Muskin, c'est même pas ce qu'il raconte. » Des gens que toi-même, tu qualifies, barakallahu fik, ils sont pas aptes à diriger. Ils peuvent pas être, ils ont besoin d'être dirigés eux-mêmes avant de diriger. Comme c'est le cas d'Amir Jérémy. Et toi, tu restes dans le centre du CEP, tu crois que ça va pas, Yanni, c'est pas une da'wah, ça. Ils vont rentrer dans d'autres classes. Ils vont rencontrer d'autres élèves. Ils vont s'échanger des paroles. Qui dit qu'ils ne vont pas se prendre une choubouhat? Qui dit qu'ils ne vont pas pencher vers la sociologie d'Eric Younous? Qui ne vont pas pencher vers l'idéologie de Hatim, que tout musulman il est sunni? Toi-même, tu sais que certains d'entre eux, ils sont allés, c'est des ashab al-lisan, ils ont des langues qui sont bien pendues, qui peuvent bien venir mettre des choubouhat d'une manière embellie. Comme c'est le cas allez, du rouleau qui est sur cette personne-là, Hatim, dont la science des do'as de Paris, ça ne fait même pas un dixième de la science de Hatim Kemal Khan. Ça montre qu'il y a du rouleau sur cette personne-là. Que cette personne-là, elle est écoutée. Cette personne-là, elle est dans le centre. Elle fait des conférences. Et elle dit du batil. Elle défend le batil. Et toi, tu es là, tu bouges pas, tu pars pas. Tu hasdars pas. Même si jamais tu prétends que, Wallah A'lam, que tu t'as mis en garde tes élèves, pourquoi il y a une sœur qui dit, ça fait 10 mois que je suis au CEP, et personne ne m'a mis au courant de la véritable identité des gens du CEP. Yanni, vraiment, est-ce que tu les as Nsah? Wallah A'lam. Je suis une de vos élèves du niveau 1, le CEP n'a pas voulu nous donner d'explication alors que nous avons payé pour une année de cours. Et il reste 2 mois de cours et nous avons su après que certains professeurs qui nous dispensaient des cours n'étaient pas très recommandables. Je trouve ça grave que nous les élèves n'ayons pas pris la peine de nous informer. Nous aurions dû être informés, malheureusement cela n'a pas été fait. Mada, donc les responsables ne les ont pas informés. Une sœur, dis-moi, elle ne sait même pas qu'est-ce qui se passe dans le CEP, il y a 3 qui sont à la sunna. Elle vient pour apprendre son dîme, et peut-être qu'elle va sortir avec un livre de Yahoudi, peut-être qu'elle va sortir avec une choubouette. Eshala. Aïna Nosk, elle a eu cette véritable yani, souciance yani pour tes élèves comme tu prétends. Mais c'est hakada yaham. Ou l'imam al-Shatibi, rahimahullah ta'ala, yakul ad-da'watu bil-af'al, akblar min ad-da'watu bil-aqwal. La da'wa qui est faite avec les membres, c'est-à-dire sans parler, elle a beaucoup plus d'impact que la da'wa qui est faite avec les lisan. Et là, il y a des hadiths par rapport à ça, comme c'est le cas de Hadith Umm Salama. Donc la prêche par les membres, elle a beaucoup plus d'impact que les paroles d'Ibrahim. Donc le fait que tu restes, c'est une da'wa. Les gens, ils pensent du bien de toi. Est-ce qu'il n'y a pas dans cela un égarement pour les croyants de la masse parce qu'ils te voient toi et pensent que toi, tu es un tel et un tel? Wallah alam, c'est véritablement, Yannick, conseiller tes étudiants, comme on a pu le voir dans la kalima de la sœur. Ajoutez à cela que cette personne-là l'a agréé, malgré que lui-même, il savait que le directeur du centre du CEP, elle n'était pas apte à diriger. Jérémy Amir. Et c'est le directeur donc du CEP. Ces derniers temps, et cela depuis longtemps, il a accumulé de nombreuses fautes. Lui et ceux qui l'entourent. Lui-même, n'ayant pas la droiture qu'il convient d'avoir en tant qu'une personne qui a tenté de goûter à la science. Mais en plus de cela, il s'est entouré et aggravé sa situation en s'entourant de personnes qui lui ont nui encore plus qu'il ne l'a fait lui-même contre sa propre personne. Mais malgré cela, il a agréé et approuvé de rester sous la direction de ce centre. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul wa la tu'tu as-sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. Et ne donnez pas aux faibles d'esprit, à la personne qui ne savent pas gérer vos biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé pour vous comme subsistance. Et quelle subsistance, barakallahu fik, est plus grande pour nous, à nos yeux, que l'islam. Donc toi tu confies ton dîn. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul la wa la tu'tu as-sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. Et toi tu... Il dit, tu ne places pas, tu ne donnes pas ton argent aux personnes, tu ne confies pas la charge de ton argent aux personnes qui ne sont pas aptes. Et toi, tu confies ton dîn. Tu appelles les gens à venir sous la direction de quelqu'un qui n'est pas apte. Mais le plus navrant dans tout cela, le plus culotté dans tout cela, c'est qu'après sa conduite minable, après s'être fait licencier comme un vulgaire employé, pensez-vous qu'il s'est contenté du mal qu'il s'est fait à lui-même à ses élèves? Là, il n'a trouvé que le moyen après cela que de justifier sa sortie en la comparant à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque Quraysh l'ont expulsé de Mecca. Yani ubashirukum, pour celui qui se dit oh, elle a perdu son travail, mais ce qu'il en fait. Non, yani ça c'est un grand khair. Ça aurait été viré par ceux qui Ahmadullah azza wa jal. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a subi Mada, cette chose-là lorsqu'il était à la Mecque. فَيَا لِلَّهِ الْعَجَبِ إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاسْنَعْ مَا شِئْتَ هَكَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللَّهِ. On s'étonne parfois jusqu'où le manque de pudeur peut amener à certaines personnes. Et tu es en train, par cette comparaison, de te prétendre la bravoure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu es en train, par cette comparaison, prétendre que ces guignols, ces membres du CP, t'étaient hostiles au même titre que les kuffars de Quraysh n'ont été avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de pouvoir prétendre que ta sortie soit honorable au même titre que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Waylun lil mutaffifin, hakadha qala Allah subhanahu wa ta'ala. Waylun lil mutaffifin, malheur aux fraudeurs. Donc n'essaie pas de frauder, de tromper les gens, na'am, et de faire prétendre que ta conduite minable au sein du CV a un poids dans ni'am, a un poids de mesure dans la balance. Car par cela, wallahi, tu ne fais que léser la balance. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul, wa ufun kayla idha kiltum wazinum bil qistas al mustaqim, dhalika khayrun wa ahsan ta'wila. Et donnez la pleine mesure lorsque vous mesurez et pesez d'une balance exacte. Ceci est mieux et d'une meilleure finalité. Ibrahim, comme lui-même yani, a pu l'étudier dans la science des fondements de la jurisprudence ou sur le fiqh, il sait que lorsque tu veux affiner un jugement qui est présent dans une affaire bien précise, lorsque tu veux l'affiler à une autre affaire, ou lorsque tu veux émettre une similitude entre deux choses dans un même jugement, tu te dois de t'assurer en premier lieu que la cause qui est due au jugement de l'affaire dont tu penses que la tienne elle est similaire, que cette cause-là soit tout aussi présente dans la tienne. Cheikh Al-Uthaym, rahimahullah ta'ala, nous dit, au cas contraire de cela, si la cause du jugement d'une affaire n'est pas présente dans ton affaire, tu ne peux en aucun cas émettre une analogie, un qiyas, entre ces deux affaires. Et encore moins juger que le jugement entre ces deux affaires est similaire. Cheikh Al-Uthaym, rahimahullah ta'ala, nous dit, cette analogie, ce qiyas, il n'est pas valable. Tout comme au même titre de la comparaison que tu as voulu faire entre ton affaire de ta sortie de ton institution avec celle du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Est-ce que la patience et l'endurance sont-elles semblables à la désobéissance? Est-ce que la lâcheté et le laxisme des membres du CEP est-elle semblable à l'adversité, l'hostilité de la tribu de Quraysh? Celui qui a de la mollesse et est désobéissant dans ses conduites est-il comparable à l'endurant, au brave et à l'obéissant? Subhanallah, ça c'est l'inédit dans l'histoire du Qiyas. Le CEP a été hostile à Ibrahim, comme Quraysh l'a fui avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibrahim, de sa conduite au sein du CEP, a été aussi brave que Na'am, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que la conduite qu'a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam face au kuffar de Quraysh. Ça c'est l'inédit dans le Qiyas. Jamais vu dans l'histoire du 14e siècle. À qui, dis-moi, pensais-tu faire avaler cette salade? Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul, l'homme n'est pas semblable à la femme, tout comme le brave ne sont pas semblables au minable de ton espèce, ya akhi. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam est sorti de Mecca car il a été contraint, contrairement à toi. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été menacé à mort, contrairement à toi. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été expulsé de Mecca après avoir eu fait face à l'adversité, l'hostilité de Kuffar de Quraysh, et non pas aux guignols du CP, à leur mollesse et à leur laxisme. Kuffar Quraysh étaient les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que toi, tu étais l'intime, l'ami intime du CEP et leur bien-aimé. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam est resté à Mecca jusqu'à son expulsion, car Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'y demeurer jusqu'au jour de la hijra. Tandis que toi, ya miskin, tu es resté au sein du CEP bi ma'siyatillah subhanahu wa ta'ala, par la désobéissance d'Allah azza wa jal. Est-ce la renommée que tu recherchais? Une rémunération? Un salaire? Ou autre, wallahu a'lam. Tu ne savais pas comment occuper tes occupations, donc tu as collé au bois des membres du CEP, wallahu ta'ala a'lam. Mais en tout cas, tu n'es pas resté dans l'agrément d'Allah, azza wa jal. Car toi-même, comme tu le dis, l'union ne peut se faire que dans l'obéissance d'Allah, azza wa jal. Mais malgré cela, tu es resté. Allah, azza wa jal, nous a dit, cramponnez-vous tous à l'ange d'Allah, tous, ensemble. Mais sur quoi? Sur la religion d'Allah, sur le Coran, sur l'islam. C'est sur ceci qu'il peut y avoir une. Malgré cela, tu veux rester, malgré que tu savais que ces personnes-là, ils étaient dans la désobéissance, et toi tu prétends que c'est dans l'obéissance qu'on peut rester, qu'on peut s'unir, et tu t'unis avec ces personnes-là dans la désobéissance d'Allah, azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne de t'écarter de ceux qui se détournent de son conseil, mais malgré cela, tu es resté. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكَّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. et qui est plus injuste que celui à qui on a rappelé les versets ou les versets de son Seigneur, puis s'en détourne. Mais malgré cela, toi, tu es resté à travailler avec ces personnes qui sont les plus injustes. Naam, comme le dit ce verset. Wallah subhanahu wa ta'ala yakul, fa'arid amman tawalla an dhikrina. Et écarte-toi de celui qui se détourne de notre rappel. Malgré cela, tu es resté tout de même avec eux. Wa nabi sallallahu alayhi wa sallam yakul, yani celui dont, yani t'as eu l'audace, par manque de pudeur, de prétendre que ta sortie est honorable au même titre que la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Mecca, écoute bien ce qu'il te dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Innama mathalu al-jalis as-salih wa jalis as-su' ka hamil al-misk wa nafikh al-qir. Fa hamil al-misk imma an yuhziyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiba wa nafikh al-qir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan mumtina. Muttafaqun alayhi al-hadith. Abi Moussa al-Ash'ari, radiallahu ta'ala anhu. Le prophète sallam de ce hadith authentique nous dit: la ressemblance du compagnon vertueux et du mauvais compagnon est telle à celui qui a du muscle soufflé du forgeron. Le bon compagnon, il est semblable à la personne qui a du muscle. Soit tu lui en achètes, soit il t'en offre, ou soit tu sens de lui une bonne odeur. Quant à la mauvaise compagnie, le mauvais compagnon est semblable au soufflé du forgeron. Soit il te brûle tes vêtements, ou soit tu sens de lui une mauvaise odeur. Dans tous les cas, tu as tout à perdre avec ces personnes-là. Soit tu brûles tes vêtements, ou soit tu sens de lui une mauvaise odeur. Donc pourquoi tu restes avec ces genres de... Donc pourquoi tu restes avec ces genres de personnes? T'as rien à gagner, t'as rien à profiter de ces personnes-là. Ne serait-ce qu'ils te brûlent tes vêtements, ou bien que tu sens de ces personnes-là une mauvaise odeur. Donc qu'est-ce qui te pousse à rester avec eux? T'as rien à gagner, ne serait-ce qu'ils te nuisent. Mais malgré cela, tu es tout de même resté avec eux. Wa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaqul: Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhilli 'arshi. يوم لا ظل إلا ظله ومنهم رجلا تحاب في الله وافترق عليه وافترق عليه. Cette catégorie de personnes seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامة, le jour où il n'aura aucune ombre en dehors du trône d'Allah azza wa jalla. Et parmi eux, deux personnes s'étant aimées pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et se sont séparées pour sa cause. Ils se sont séparés pour sa cause et toi tu restes dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ces personnes-là, alors qu'il t'est demandé de les na'am, de te séparer de ces personnes-là pour la cause d'Allah azza wa jal. Man taraka shay'an lillah awadahu Allah khayran min. Celui qui délaisse une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, il va lui remplacer par une chose qui est beaucoup plus meilleure. Donc pourquoi tu restes avec ces personnes-là? Pourquoi tu délaisses la chose qui est bien plus meilleure pour toi, yani à la nuisance que tu te fais en restant na'am au centre du CEP? Tu prétends avoir eu une bonne conduite, conduite exemplaire, que ton exclusion fut toute à ton honneur, comme celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que lui-même, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, t'interdit la conduite que tu as eue. Donc comment tu peux t'identifier au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que lui-même, il blâme ta conduite? Ma conduite, ma sortie, mon exclusion, elle est telle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est fait exclure. Donc yani, ne vous lamentez pas. Ya akhi, la tal'ab ala nas. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yaqul, wa firra min al-majdhum, kama tafirru min al-asad. Et fuis de l'épreuve, de manière que tu le fais face à un lion. Wa yaqulu an-nabi sallam la yurad mumridun ala musahhihun rawahu muslim. Que le berger n'abreuve pas son chameau malade à la même source dans laquelle s'abreuve le chameau en bonne santé. Cheikh al-Uthaym rahimahullah ta'ala dit cela afin qu'il ne soit pas contaminé, afin que le chameau qui est en bonne santé ne soit pas contaminé par le chameau qui est en mauvaise santé. La yurad mumridun ala musahhihun. Et toi, lorsque tu restais au sein du CEP, que tu es appelé par tes membres à rejoindre ce centre, ne vois-tu pas que tu exposes par cela tes élèves, certains de tes élèves, à ce que certains membres du CEP contaminent la religion? Ensuite, ils ont amené un dénommé Eric Younous. Ce dernier est connu pour son penchant dans son manhaj qui tend à essayer de ikhwaniser Ahl Sunnah. Parmi ce qu'il a fait, ce frère, il a mis une vidéo d'un shira, rahimahullahu ta'ala, qui est décédé. Dans cette vidéo, il a même corrigé le titre, donc il ne pourra pas dire je l'ai mis mais je ne savais pas, parce qu'il a corrigé des choses, que le mot tawhid n'existe pas. Et ce frère dit qu'il enseigne l'aqida. Dans ton cours, t'as fait une faute dans l'aqida. Ne vois-tu pas que tu exposes par cela tes élèves, certains de tes élèves, à ce que certains membres du CFI contaminent la religion? Regarde la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui tu compares ta sortie. Il a plus de miséricorde pour les bovins, pour les bestiaux, pour les chameaux, que toi tu l'as eu pour l'être humain musulman. Faya lillahi al-ajab. Fa'ayna al-amana al-ilmiya ya Ibrahim. Jusqu'où tu es prêt à aller pour préserver ta renommée? Au point d'exposer le dîn des musulmans? Au point de salir l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam en la comparant à ton exclusion. Yahri, prends conscience de la responsabilité qui pèse sur tes épaules. Et écoutez, les gens prennent de toi. Les gens prennent de note de ce que tu dis. Les gens s'identifient peut-être à ce que tu dis. Comment peut-on ne pas être concerné du renvoi de notre professeur? Ça fait la sœur qui dit ça. Vous qui avez été un exemple de droiture pour nous. Et toi, tu joues avec la religion? Tu joues avec la raison? Tu passes en science, tu fais précéder ta renommée jusqu'au point à comparer ta sortie minable à l'honorable exclusion du professeur sallam lorsqu'il est sorti de Mecca. Et taqillaha. Et taqillaha Ibrahim fi hadha al-hadith. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخودون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة رواه البخاري من حديث قولة رضي الله تعالى عنها. Certaines personnes disposant mal et sans droit dans les biens qui leur ont été confiés, leur rétribution sera يوم القيامة l'enfer. Leur rétribution sera يوم القيامة de l'enfer. Que dire alors de celui qui se sera amusé avec le dépôt qui est la science, le conseil et l'orientation, qu'ils se sont eux-mêmes chargés la responsabilité. Que dire de ces personnes-là? C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde d'agir en mal dans les biens qui nous ont été confiés. Que dire alors de la science? Que dire de la science avec laquelle certaines personnes jouent, na'am, pour préserver leur renommée? Fattakullah. Puis quelle est la différence entre ta manière de comparer les choses à celle qui est employée au sein du groupe d'établir? L'établir, comme a-t-on l'image, lorsqu'ils justifient leur sortie, leur khuruj fi sabilillah al-maz'oum et la comparaison des sahaba radhiyallahu alayhim. Est-ce pour autant que leur sortie, leur khuruj est à leur honneur? La kalla, qu'a le cheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Lorsque tu questionnes le groupe d'établir au sujet de leur khuruj, ils te disent, on a pour exemple les sahaba. Les sahaba n'étaient-ils pas originaires de la péninsule arabique? Mais pour autant, nous avons trouvé leur corps en Asie. Il veut dire par là, en gros, on sort fi sabilillah comme l'ont fait les sahaba. On sort de nos maisons pour aller loin, comme l'ont fait les sahaba. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il réplique à cela, il dit, on aurait tellement souhaité que vos sorties soient semblables à celles des sahaba. Mais hélas, il n'y a vraiment aucune similitude entre vos sorties et celles des sahaba. Et il dit, rahimahullah ta'ala, nous ne vous reprochons pas le fait de sortir pour prêcher, mais la manière dont vous employez et prenez... Fin de citation. On dit la même chose à Ibrahim, la même chose qui a été dit au groupe d'établir. On ne te reproche pas le simple fait d'être exclu, mais la manière qui t'a amené à ce que tu te fasses guérir. Donc ne compare pas ta sortie, ton exclusion à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il y a bien là une différence entre les deux. Si vraiment tu souhaites comparer ta sortie à quelqu'un d'autre, compare-la à celle de Shaytan lorsqu'il s'est fait bannir du Jannah. Compare-la à celle de Shaytan lorsqu'il s'est fait bannir du Jannah. Le jugement et la cause sont les mêmes, vous êtes tous de fait bannis. Et la cause vous ayant amené à cela est la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Marsiyatullah subhanahu wa ta'ala, comme c'est le cas pour toi, lorsque tu t'es fait exclure du na'am, du CEP. فعرف الأشباء والأمثال ثم قيس الأمور بعضها ببعض كما قال ابن عمر هكذا قال أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. Sache reconnaître les semblables à leur pareil, puis joins-les les uns les autres. هذا هو الحق في هذه المسألة. ونسأل الله سبحانه وتعالى ودمان الله عز وجل et on demande à Allah عز وجل qui nous préserve du mal que referment nos poitrines et des fitanes, qu'elles soient apparentées ou dissimulées. Donc voilà, ceci, Yanni, n'était qu'un bref exposé. Inch'Allah, pour appuyer, comme l'a demandé le frère, Yanni Abu Aïcha, afin de montrer que cette personne-là n'est pas sortie la tête haute, comme il dit. N'est pas sortie la tête haute. Abedem, n'essaie pas de la vouloir renverser la situation en ta faveur. N'est pas sortie la tête haute. Tu t'es fait exclure par des propres personnes que toi-même que tu qualifies d'être égaré, d'être sociologue, d'être kadakada, ils t'ont mis un coup de pompe, ils t'ont fait sortir. Ça, c'est la honte. Tu serais sorti toi-même de ce truc-là, na'am. Ça aurait été même douche. Donc, ne fais pas comme si jamais tu étais sorti la tête haute. Ah ben, t'es sorti la tête humiliée, tête basse. Hada huwa al-haq fi hadhihi al-mas'ala. Il n'est pas sorti la tête haute. Et kadalika, c'est pas sahih al-jahl wa ta'lim. Aqul lakum, il n'a pas darras un seul kitab dans le mustalah. Il ne connaît rien dans le mustalah. Du moins, quand il est sorti de Dammaj. Quand il est sorti de Dammaj. Parce que les gens ont dit, dans Jahba Ta'adil, il n'a même pas étudié peut-être Benkouniya. Avant d'étudier au Dawabit Jahba Ta'adil. C'est une personne de prétentieuse, c'est une personne de haute, qui est hautain, qui est un peu, qui aime sa personne. On l'a vu, on a 2 ans à Dammaj. À Dammaj, si jamais tu veux vriller un petit peu, tu fais une chose qui est. Il y a des gens dans 4 points de Dammaj. Le Muraqab. Tu surveilles en moi. Tu ne peux pas vouloir la faire à l'envers aux gens. Donc, Yanni, comme on a dit, le frère, il n'est pas sorti grand de ceci. et afin d'appuyer Kadalika parce que c'est devenu une personne qui écoutait, afin que les gens, Inch'Allah, ne se fassent pas duper et ils croient que la chose qu'il a fait, ou bien Naam, le comportement qu'il a eu dans cette qadiya, c'était une bonne manière de se comporter. Non, ce n'était pas une bonne manière de se comporter. Donc prenez pas ça comme exemple. C'est pas du tout l'exemple qui a suivi. L'exemple qui a suivi avec les personnes qui n'écoutent pas le conseil, c'est que tu t'écartes d'eux. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et sur ceci, Inch'Allah, on conclut, on asallah subhanahu wa ta'ala. أن يعلمنا ما نجهل وينفعنا بما علمنا وأن لا يجعل العلم حجة علينا بل لنا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بارك الله فيكم ونسأل الله يحفظنا وإياكم ويوفقنا لكل خير وإلى هنا بارك الله فيكم سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته